Dom, la baby, Dom, la baby. À son best plat, un texte sans stress, mais fresh pour dire God bless. À ceux qui ont cru en moi, vu en moi, ce qui était en moi, encore une fois, mais cette fois, avec et moi, la part de François. Peace à toi la bombe, à toi, c'est comme ça. J'aime aimer ceux qui m'aiment, là, je t'aime comme à ma blonde qui est pas blonde. Qui m'aime quand j'étais la honte des médias, seul en pyjama, pauvre comme un rat. Était là pour moi, me baisait, me caressait, me disait, tout allait être ok, j'étais faite pour la TV. Merci babe pour avoir été là pour moi, quand personne croyait en moi, puis pour m'avoir baisé bien comme ça. Oh. J'aimais ça. Si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'serai bon avec toi. Si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'serai vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'serai chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'serai con avec toi. Les vices à mon cou, que malgré que j'sois fou, et mes recrues sont restés cool. Down, true, true. Malgré que j'ai déménagé toute ma vie, mes homies sont mes homies pour la vie. Que je sois à Los Angeles, London, Montréal, New York ou Paris, ils savent que je les aime comme la vie. Oui, j'ai resté dans plusieurs pays différents. Quoi, c'est surprenant qu'un métis violent, délinquant, et fait le tour du monde, puis qu'il fasse l'argent. Ben c'est le cas, qu'est-ce qu'il fait le c'est ça. Un jeune gars qui fait son argent, puis qui connaît des gens dans une gang de pays différents. Mais pourtant, sans rien crêter, j'aurais aimé toujours avoir habité le même quartier. Anyway, puis aux filles qui veulent me parler, oubliez pas, si t'es cool avec moi, j'serai cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'suis vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'suis con avec toi. Si t'es cool avec moi, j'suis cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'suis vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'suis con avec toi. Ah, tu prends ma son con, man. Yo, t'as-tu de l'eau quelque chose, man? Ah, la gueule. Ah, non, ah, oublie ça, man. Si tu veux me parler, parle-moi. Approche-moi, je suis pas un roi, je suis moi, François. Un petit gars qui parle un peu russe, patois, créole, chinois, espagnol, anglais, verlan, français, pis québécois, pis qui respecte qui que ce soit, quoi que ce soit. Fait que si tu me vois, dis-moi ton nom, donne-moi la main, fais pas le crétin. M'a te respecté, mais yo, teste pas, j'ai de l'orgueil, m'a te blasté. Là, en public ou au métro, l'orgueil. Solo avec ma clica, porque la vida no un teatro donde. Et mi vida loca pour tout le temps. Anyway, peace, n'oublie pas, si t'es cool avec moi, j'suis cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'suis vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, j'suis con avec toi. Si t'es cool avec moi, j'suis cool avec toi. Si t'es vrai avec moi, j'suis vrai avec toi. Si t'es chill avec moi, j'suis chill avec toi. Mais si t'es con avec moi, bon, bon, bon, bon, bon, et bien, murder! Pour ce qui est des shout-outs, s'il vous plaît, les gars, relaxés. On a déjà eu des plaintes. Ça doit être doux, chill. Sinon, pour appeler les amis. En passant, Peace à Andrew et son crew à St. Petersburg, Russia. Japanese, Miss Melaz en France. Noisemaker, Los Angeles, California, Carnal, Califas. Et Abdelaziz, Yassine Salem, et Yamin Obled. En parlant de shout-out,